J'ai merdé plein de fois. Alice appelait ça des reproches. Je pense que je voulais surtout la comprendre. Je voulais qu'on parle, je voulais qu'elle me rassure, je voulais qu'elle apaise mes douleurs. Mais tout ce qu'elle disait, c'était qu'elle ne changerait pas et qu'elle ne ferait pas d'efforts. Elle est vraiment têtue des fois. Elle était épuisée, à bout. Le burn-out de moi s'approchait à grands pas. Elle s'est complètement fermée. J'étais persuadé qu'elle ne m'aimait plus. Je n'avais aucun poids dans sa vie, j'étais invisible, creux, inexistant, indésirable, moche. Mais il y avait pire, j'avais l'impression qu'elle se foutait de ma gueule, qu'elle me menait en bateau, qu'elle ne me respectait pas. Alors du désespoir, je suis passé à la colère. Et après une nuit blanche à me battre contre ma dignité perdue, je lui exprimais toutes mes brûlures. Il n'était pas très beau ce coup de téléphone. Ce n'est pas très beau de vider son sac comme ça. Je crois que ce qui a décidé Alice à me quitter, c'est l'énorme décalage qu'il y avait entre nous, entre nos deux ressentis. Alice m'a quitté. Je pensais naïvement que c'était mieux ainsi. J'en avais marre de souffrir de cet amour beaucoup trop fort pour mon cœur minuscule. Mais je me trompais. Quand Alice m'a quitté, j'ai commencé à vraiment souffrir. C'était comme un cri incessant qui hurlait à l'intérieur de mon corps. C'était une douleur insupportable. Je ne pouvais pas vivre sans elle. J'ai perdu ma certitude, la plus belle histoire de toute ma vie et son bel avenir. Je n'ai pas touché à la chanson qui suit. Elle a été écrite et enregistrée quelques jours après la rupture. C'est le témoignage du cri de douleur d'un homme dévasté.